Je vous répète, brigadier, que monsieur le marquis ne peut pas vous recevoir. Il n'est pas encore levé. À 9h? Au fait, le soleil se lève tard pendant la lune de miel. Dites-moi, à quelle heure déjeune-t-on ici? À 11h. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Vous mettrez un couvert de plus. Pour votre colonel? Oui, pour mon colonel. C'est le journal d'aujourd'hui? Oui, 16 mars 1846. Donnez. Je ne l'ai pas encore lu. Vous ne voulez pas me donner le journal? Alors, vous voyez bien que je ne peux pas attendre. Annoncez-moi, voulez-vous? Qui êtes-vous? Le duc de Montméran. Farceur. Tiens, c'est toi? Fichtre, j'ai dit une bêtise. Cher Gaston. Cher Hector, parfait, je suis content de te voir. Et moi, donc? Vous pouvez arriver juste à propos. Ah bon? Je te compterai cela. Mais mon pauvre garçon, mais comme te voilà fait! Qui reconnaîtrait sous cette casaque un des princes de la jeunesse, l'exemple et le parfait modèle des enfants prodigues? Après toi, mon bon. Nous nous sommes rangés, tous les deux. Toi, tu t'es marié, moi, je me suis fait soldat. Et quoi que tu penses de mon uniforme, j'aime mieux mon régiment que le tien. Oh, ça veut dire donc un troupier fini? Et ma foi, oui. J'aime mon métier. Bon, c'est le seul qui convienne à un gentilhomme ruiné. Et je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas l'avoir pris plus tôt. Alors, c'est amusant, vois-tu, cette existence active et aventureuse. Il n'y a pas jusqu'à la discipline qui met son charme. Non, non, c'est sain, ça repose l'esprit d'avoir sa vie réglée d'avance, sans discussion possible, et par conséquent sans irrésolution et sans regret. C'est de là que viennent la gaieté et l'insouciance. On sait ce qu'on a à faire, on le fait, et on est content. Un peu de frais. Et puis, mon cher, ces idées patriotiques dont nous nous moquions au Café de Paris et que nous traitions de chauvinisme nous gonflent diablement le cœur en face de l'ennemi. Enfin, tu es content, c'est l'essentiel. Assieds-toi. Et tu es à Paris pour longtemps? Pour un mois, pas plus. Tu sais comment j'ai arrangé ma vie? Non, comment? C'est très amusant. Avant de partir, j'ai placé chez un banquier les bribes de mon patrimoine, 100 000 francs environ, dont le revenu doit me procurer tous les ans 30 jours de mon ancienne existence. Mm-hmm. En sorte que j'ai 30 000 francs de rente pendant un mois de l'année et 6 sous par jour pendant les 11 autres. J'ai naturellement choisi le carnaval pour mes prodigalités. Il a commencé hier, j'arrive aujourd'hui. Et ma première visite est pour toi. Merci. Ah ça, je n'entends pas que tu loges ailleurs que chez moi. Oh non, non, je ne veux pas donner l'embarras. Mais tu ne m'en donneras aucun. Il y a justement dans l'hôtel un petit pavillon au fond du jardin. Non, non, franchement. Ce n'est pas toi que je crains de déranger, mais c'est moi. Donc tu comprends, tu vis en famille, ta femme, ton beau-père. Ah oui. Tu te figures, parce que j'ai épousé la fille d'un ancien marchand de draps, que ma maison est devenue le temple de l'ennui, que ma femme a apporté dans ses nippes une horde farouche de vertus bourgeoises, et qu'il ne me reste plus qu'à écrire sur ma porte « Si j'ai Gaston, marquis de Presles, détrompe-toi, je mène un train de prince, je fais courir, je joins, je l'enfer, j'achète des tableaux. J'ai le premier cuisinier de Paris, un drôle qui prétend descendre de Vatel, et qui prend son art au grand sérieux. Je tiens un tableau vert, enfin bref, le mariage n'a rien supprimé de mes habitudes, rien... que les créanciers. Ta femme et ton beau-père te laissent ainsi la bride sur le cou? Mais parfaitement. Ma femme est une petite pensionnaire, assez jolie, un peu timide, un peu gauche. Encore tout est bovide, sa métamorphose. Et qui, j'en jurerais, passe son temps à regarder dans son miroir la marquise de Presles. Quant à monsieur Poirier, mon beau-père, il est digne de son nom. Modeste et nourrissant, comme tous les arbres à fruits, il était né pour vivre en espalier. Toute son ambition était de fournir au dessert d'un gentilhomme. Ses vœux sont exaucés. Il y a encore des bourgeois de cette patte-là. Pour te peindre en un mot, c'est Georges Dandin à l'état de beau-père. Mais sérieusement, j'ai fait un mariage magnifique. Je pense bien que tu ne t'es mes alliés qu'à bon escient. Oh, bah, je t'en fais juge. Tu sais dans quelle position je me trouvais. Orphelin à 15 ans, maître de ma fortune à 20, j'avais promptement exterminé mon patrimoine et m'étais mis en devoir d'amasser un capital de dette digne du neveu de mon oncle. Or, au moment où, grâce à mon activité, ce capital atteignait le chiffre de 500 000 francs, mon septuagénaire d'oncle n'épousait-il pas tout à coup une jeune personne romanesque dont il se croyait adoré? J'avais compté sans mes cousins, il me fallut les compter. C'est alors que le ciel mit monsieur Poirier sur mon chemin. Mais où l'as-tu rencontré? Eh bien, il avait des fonds à placer et cherchait à emprunter. C'est une chance de nous rencontrer. Nous nous rencontrâmes. Je ne lui offrais pas assez de garantie pour qu'il fît de moi son débiteur, et je lui en offrais assez pour qu'il fît de moi son gendre. Je pris des renseignements sur sa moralité, je m'assurais que sa fortune venait d'une source honnête, et ma foi, j'acceptais la main de sa fille. Et avec quels appointements? Eh bien, le bonhomme avait 4 millions, il n'en a plus que 3. Un million de dettes? Mieux que cela, tu vas voir. Il s'est engagé à payer mes dettes. Et je crois même que c'est aujourd'hui que ce phénomène sera visible. Si, 500 000 francs. De plus, il m'a remis le jour du contrat un coupon de rente de 25 000 francs. Si, 500 ou 3000 francs. Oui, ben voilà le million, et après? Après, il a tenu à ne pas se séparer de sa fille. Mmh. Elle nous défrayait de tout dans son hôtel, hein, en sorte que logé, nourri, chauffé, voituré, servi, il me reste 25 000 francs de rente pour assurer l'entretien de ma femme et le mien. Oh, c'est très joli. Ah, mais attendons. Non, il y a quelque chose d'autre? Il a racheté le château de Presles. Et je m'attends d'un jour à l'autre à trouver les titres de propriété sous ma serviette. C'est un homme délicieux. Ah, mais attendons. Encore? Après la signature du contrat, il est venu à moi. Il m'a pris les mains et avec une bonhomie touchante, il s'est confondu en excuses de n'avoir que 60 ans. Oui, mais il m'a donné à entendre qu'il se dépêcherait d'en avoir 80. Oh, surplus, je ne le presse pas. Il n'est pas gênant, le pauvre homme. Non, il se couche comme les poules, se lève comme les coqs, règle les comptes, veille à l'exécution de mes moindres désirs. C'est un intendant qui ne me vole pas. Je le remplacerai difficilement. Ah, tu es décidément le plus heureux des hommes. Attendons. Tu pourrais croire qu'aux yeux du monde, mon mariage m'a délustré, m'a décati, comme dirait Monsieur Poirier, rassure-toi. Je suis toujours à la mode. C'est moi qui donne le ton. Les femmes m'ont pardonné. Et, comme j'avais l'honneur de te le dire, tu ne pouvais arriver plus à propos. Mais pourquoi? Ben, tu ne comprends pas. Bah, toi, mon témoin naturel, mon second obligé. Un duel? Oui, mon cher, un joli petit duel, comme dans le bon temps. Eh bien, est-il mort, ce marquis de Presles? Faut-il songer à le porter en terre? Avec qui t'as battu? Et à quel propos? Avec le vicomte de Pont-Grimaud, à propos d'une querelle de jeu. Oh, une querelle de jeu, ben, ça peut encore s'arranger. Ah, et si cette querelle de jeu n'était qu'un prétexte? S'il y avait autre chose derrière? Une femme? Oui, voilà. Une intrigue, déjà, non, c'est pas bien. Oh, beaucoup veux-tu. Bah, une passion de l'an dernier que je croyais morte de froid. Tu vois que ce n'est ni bien sérieux, ni bien inquiète. Et peut-on savoir? Je n'ai pas de secret pour toi. C'est la comtesse de Mongey. Je t'en fais mon compliment, mais c'est furieusement grave. J'ai songé à lui faire la cour, et j'ai reculé devant les périls d'une telle liaison, ou périls qui n'ont rien de chevaleresque. Tu n'ignores pas que la marquise n'a pas de... La comtesse, oui, qu'elle attend tout de son vieux mari, et qu'il aurait le mauvais goût de la déshériter s'il lui découvrait une faiblesse. Je sais, tout ça. Et de gaieté de cœur, tu as repris une pareille chaîne. Oh, l'habitude, un reste d'amour, l'attrait du fruit défendu, et puis le plaisir de couper l'herbe sous le pied à ce petit drôle de Pont-Grimaud que je déteste. Oh, tu lui fais bien de l'honneur. Mais que veux-tu, il m'agace les nerfs, ce petit monsieur. Enfin bref, il y avait entre nous une querelle dans l'air, elle a crevé hier soir à une table de lansquenet. Il en sera quitte pour un coup d'épée. Ce sera d'ailleurs le premier qu'on aura reçu dans sa famille. Mais t'a-t-il envoyé ses témoins? Oui, je les attends. Ah bon. Tu m'assisteras avec grand lieu. Entendu. Tu t'installes chez moi, c'est entendu aussi. Soit. Il y a ça, quoi qu'en carnaval, tu ne comptes pas rester déguisé en héros. Non, non, j'écris là-bas à mon tailleur. Tiens, voici mon beau-père. Tu vas le voir au complet avec son ami Verdelet, son ancien associé. Hein. Parbleu, tu as de la chance. Bonjour, monsieur Verdelet, bonjour. Serviteur, messieurs. Un de mes bons amis, mon cher monsieur Poirier, le duc de Montmiron. Brigadier officier d'Afrique. Ah, à la bonne heure. Très honoré, monsieur le duc. Plus honoré que vous ne pensez, mon cher monsieur Poirier. Monsieur le duc veut bien accepter ici l'hospitalité que je me suis empressé de lui offrir. Ah, un rat de plus dans le fromage. Pardonnez-moi, monsieur, d'avoir accepté une invitation que mon ami Gaston m'a faite un peu étourdiment, peut-être. Monsieur le marquis, mon gendre, on n'a pas besoin de me consulter pour installer ici ses amis, les amis de nos amis. Très bien, très bien, ça va être très bien, très bien. Hector occupera le pavillon du jardin. Est-il en état? J'y veillerai. Non, non, non, je ne vais pas vous donner d'embarras, monsieur. Non, pas du tout. Non, monsieur Poirier sera trop heureux. Trop heureux. Vous aurez soin, n'est-ce pas, qu'on tienne aux ordres, Hector, le petit coupé bleu? Celui dont je me sers habituellement. Ah non, alors ça, monsieur, je m'oppose. Non, non, je ne veux pas. Non, il y a un poste de fiacre au bout de la rue. Cassant. Et maintenant, allons visiter mes écuries. J'ai reçu hier un arabe dont tu me diras des nouvelles. Permettez, monsieur. Gaston est impatient de me montrer son luxe. Et je le conçois, c'est une façon pour lui de me parler de vous. Je vois que monsieur le duc apprécie les délicatesses de mon gendre. Tu vas me gâter, mon beau-père. Oh, à propos, monsieur Poirier, vous savez que j'ai demain un grand dîner. Est-ce que vous nous ferez le plaisir d'être des nôtres? Non, merci, non, je dînerai chez Verdelet. Ah, monsieur Verdelet, je vous en veux de m'enlever mon beau-père chaque fois que j'ai du monde ici. Bien. Impertinent. À mon âge, on gêne la jeunesse. Géronte, va. Je trouve ton gendre bien obséquieux. Tu m'avais bien dit que tu saurais te faire respecter. Je fais ce qui me plaît. J'aime mieux être aimé que craint. Ah, ça n'a pas toujours été ton principe, ça. D'ailleurs, tu as réussi, ton gendre, pour toi, des bontés familières qu'il ne doit pas avoir pour les autres domestiques. Au lieu de faire de l'esprit, mêle-toi de tes affaires. Hein. Je m'en mêle, parbleu. Nous sommes solidaires, ici. Nous ressemblons un peu aux jumeaux siamois. Et lorsque je te vois te mettre à plat ventre devant ce marquis, eh bien, j'ai de la peine à me tenir debout. À plat ventre, dirait-on pas, ce marquis, quoi, trompe-t-on, que son titre me jette de la poudre aux yeux? Hein? Mais j'ai toujours été plus libéral que toi, tu le sais bien, et je le suis encore. Je me moque de la noblesse comme de ça. Tiens, le talent et la vertu sont les seules distinctions sociales que je reconnaisse et devant lesquelles je m'incline. Diable, ton gendre est donc bien vertueux. Mais tu m'ennuies, ne veux-tu pas que je lui fasse sentir qu'il me doit tout? Il te vient sur le tard des délicatesses exquises. C'est le fruit de tes économies. Poirier, je n'ai jamais approuvé ce mariage, tu le sais bien. J'aurais voulu que notre filleul épouse un brave garçon de notre bord. Mais puisque tu ne m'as pas écouté... Écoutez, monsieur, il aurait pu manquer que cela. Et pourquoi donc pas? Monsieur Verdelet, vous êtes un homme de bel esprit et de beaux sentiments. Vous avez lu des livres amusants. Vous avez, sur toutes choses, des opinions particulières. Mais en matière de sens commun, je vous rendrai des points. En matière de sens commun? Non, tu veux dire en matière commerciale. Ah, ben ça, je ne le conteste pas. Tu as gagné 4 millions, tandis que j'amassais avec peine 40 000 livres de rente. Et encore grâce à moi. Mais d'accord, ma fortune me vient de toi. Mais elle retournera à ta fille quand ton gendre t'aura ruiné. Quand mon gendre m'aura ruiné? Oui, dans une dizaine d'années. Ah, tu es fou. Au train dont il y va, tu sais trop bien compter pour savoir que ça ne peut pas durer longtemps. Bien, c'est mon affaire. Oh, mais s'il s'agissait que de toi, je ne soufflerais mot. Et pourquoi ne souffleriez-vous mot? Vous ne me portez donc aucun intérêt. Ça vous est égal qu'on me ruine, moi qui ai fait votre fortune? Non, mais qu'est-ce qui te prend? Mais je n'aime pas les ingrats. Ah, diantre, tu te rattrapes sur moi des familiarités de ton gendre. Je te disais donc que s'il s'agissait que de toi, je prendrais ton mal en patience, ouais, n'étant pas ton parrain. Mais je suis celui de ta fille. Un beau pas de clerc que j'ai fait en vous donnant ce droit sur elle. Ma foi, tu aurais pu choisir un parrain qui l'aurait moins aimé. Oui, je sais, vous l'aimez beaucoup plus que je ne le fais moi-même. C'est votre prétention et vous le lui avez persuadé à elle. Nous retombons dans cette litanie. Ouais. Allez, va ton mais train. Mais oui, j'irai mon train. Tu crois qu'il m'est agréable de me voir expulsé par un étranger du cœur de mon enfant? Comment? Mais elle a pour toi toute l'affection. Ce n'est pas vrai, tu me supplantes. Oh. Elle n'a de confiance et de câlinerie qu'avec toi. C'est parce que je ne lui fais pas peur, moi. Mais comment veux-tu que cette petite fille ait de l'épanchement pour un hérisson comme toi? Elle ne sait pas par où te dorloter, tu es toujours en boule. Mais c'est toi qui m'as réduit au rôle de père rabat-joie en prenant celui de papa gâteau. Il n'est pas difficile de se faire aimer des enfants quand on obéit à toutes leurs fantaisies, sans se soucier de leurs intérêts. C'est les aimer pour soi et non pour eux. Ah, doucement, Poirier. Quand les véritables intérêts de ta fille ont été en jeu, ces fantaisies n'ont trouvé de résistance que chez moi. Je l'ai assez ennuyée et contrariée, la pauvre Toinon, à l'occasion de son mariage, tandis que tu l'y poussais bêtement. Elle aimait le marquis. Non, écoute, je t'en prie, veux-tu me laisser lire mon journal? Tu as beau dire que la petite avait le cœur pris, c'est toi qui le lui as fait prendre. Tu as attiré Monsieur de Presles chez toi. Encore un d'arriver. Monsieur Michaud, le propriétaire de force, est nommé Père de France. Qu'est-ce que ça me fait? Comment est-ce que cela te fait? Il est indifférent de voir un des nôtres parvenir, de voir que le gouvernement honore l'industrie en appelant à lui un de ses représentants. Comment? Mais n'est-ce pas magnifique? Un pays, un temps où le travail ouvre toutes les portes. Enfin, tu peux aspirer à la pairie et tu me demandes ce que cela te fait. Mais Dieu me garde d'aspirer à la pairie et Dieu garde surtout mon pays que j'y aspire et que j'y arrive. Mais pourquoi M. Michaud y est bien, lui? Mais M. Michaud n'est pas seulement un industriel, c'est un homme du premier mérite. Le père de Molière était tapissier. Eh bien, c'est pas une raison pour que tous les tapissiers se croient poètes. Je te dis, moi, que le commerce est la véritable école des hommes d'État. Mais qui tiendra le gouvernail? Qui mettra la main au gouvernail? Sinon ceux qui ont prouvé qu'ils savaient conduire leur barque. Une barque n'est pas un vaisseau. Un batelier n'est pas un pilote. Et la France n'est pas une maison de commerce. J'enrage quand je vois cette manie qui s'empare de toutes les cervelles. On jurerait ma parole que dans ce pays-ci, le gouvernement soit le passe-temps naturel de ceux qui n'ont plus rien à faire. Un bonhomme comme toi, ou comme moi, s'occupe pendant 30 ans de sa petite besogne. Il y arrondit sa pelote, et puis un beau jour, il ferme boutique et s'établit homme d'État. C'est pas plus difficile que ça, il n'y a pas d'autre recette. Mais morbleu messieurs, que vous dites-vous aussi? J'ai tant au nez de drap que je dois aussi savoir jouer du violon. Oui, je ne saisis pas le rapport. Au lieu de gouverner la France, gouvernez votre maison. Et ne donnez pas vos filles en mariage à des marquis ruinés qui croient vous faire beaucoup d'honneur en payant leurs dettes avec vos écus. C'est pour moi que tu dis ça? Non, c'est pour moi. Bon. Bonjour mon père, comment allez-vous? Bonjour parrain, tu viens déjeuner avec nous? Tu viens gentil. Il est gentil, alors qu'est-ce que je suis, moi, qui l'ai invité? Vous êtes charmant. Voilà, je ne suis charmant que lorsque j'invite vers de l'Est, agréable pour moi. Oui, mon mari? Elle est curie, où veux-tu qu'il soit? Est-ce que vous blâmez son goût pour les chevaux? Il sait bien à un gentilhomme d'aimer les chevaux et les armes. Soit, mais je voudrais qu'il aimât autre chose. Mais il aime les arts, la peinture, la poésie, la musique. Oh, des arts d'agrément. Ben quoi, tu voudrais qu'il aimât les arts de désagrément, qu'il joue du piano? Oui, prends son parti devant toi, non, pour te faire bien voir d'elle. Il me disait encore, il y a un moment que ton mari me ruine. Ah, le disais-tu? Oui, tu n'as qu'à serrer les cordons de ta bourse. Mais non, il est plus simple que ce jeune homme s'occupe. Oh, mais il me semble qu'il s'occupe déjà beaucoup. Oui, à dépenser de l'argent du matin au soir, je lui voudrais une occupation plus lucrative. Laquelle? Ne pourtant pas vendre du drap ou de la flanelle. Oh, il en est incapable. Mais non. Enfin, on lui demande pas tant de choses qu'il prenne une position digne de son rang. Enfin, une ambassade, par exemple. Prendre une ambassade, ça ne se prend pas comme un rhume. Quand on s'appelle le marquis de Presles, on peut prétendre à tout. Mais on est obligé de ne prétendre à rien, mon père. Ah oui, ça c'est vrai, ton mari a des opinions. Il n'y en a qu'une, c'est la paresse. Mon mari a ses convictions. Mais écoute, on est bien tendre avec sa femme pendant la lune de miel. Si tu lui demandais ça gentiment le soir en dénouant tes cheveux. Mon père. Et dame, c'est ainsi que Madame Poirier m'a demandé de l'amener à l'opéra. Je l'y ai mené le lendemain, vous pouvez, n'est-ce pas? Je n'oserais jamais parler à mon mari d'une chose aussi grave. Et pourtant, ta dot peut te donner voix au chapitre. Il lèverait les épaules, il ne me répondrait pas. Il lève les épaules quand tu lui parles? Non, mais... Ah, tu baisses les yeux. Il paraît que ton mari te traite un peu légèrement. C'est tout ce que j'ai toujours craint, moi. Est-ce que tu as à te plaindre de lui? Non. Bon, est-ce qu'il ne t'aime pas? Mais je n'ai pas dit ça. Mais qu'est-ce que tu dis, alors? Voyons, allons, mon petit. Voyons. Confie-toi franchement à tes vieux amis. Tu sais bien que nous sommes créés et mis au monde pour veiller sur ton bonheur. À qui te confieras-tu si tu te caches de ton parrain? Et de ton père. Tu as du chagrin. Je n'ai pas le droit d'en avoir. Mon mari est très bon, très doux. Bah, et alors? Mais est-ce que ça suffit? Voyons, il est très bon et très doux. Mais il ne fait guère plus attention à toi qu'à une petite poupée. Oh, c'est ma faute. Je suis timide avec lui. Je n'ose lui ouvrir ni mon esprit, ni mon cœur. Je suis sûre qu'il me prend pour une pensionnaire qui a voulu être marquise. L'imbécile! Que ne t'expliques-tu à lui? J'ai essayé. Et le ton de sa première réponse était toujours en tel désaccord avec ma pensée que je n'osais pas continuer. Il y a des confidences qui veulent être encouragées. L'âme a sa pudeur. Tu dois comprendre ça, mon bon Tony. Oui, mais tu permets, moi aussi, je peux le comprendre. Mais vous aussi, mon père. Et comment dire à Gaston que ce n'est pas son titre qui m'a plu, mais la grâce de son esprit et de ses manières, son humeur chevaleresque, précisément, son dédain des mesquineries de la vie. Comment lui dire enfin qu'il est l'homme de mes rêveries lorsqu'au premier mot, il m'arrête par une plaisanterie? Mais s'il plaisante, c'est qu'il est gay, ce garçon. Non, c'est parce que sa femme l'ennuie. Ah, tu ennuies ton mari. Hélas, j'en ai peur. Parbleu, c'est son oisiveté qui l'ennuie. Un mari n'aime pas longtemps sa femme quand il n'a pas autre chose à faire que de l'aimer. C'est vrai, Tony? Mais puisque je te le dis, tu n'as pas besoin de consulter Verdelet. Non, mais Poirier a raison. La passion s'épuise vite, et je crois que l'amour s'administre comme la fortune, avec économie. Oui, un homme a des besoins d'activité qui se trouvent gênés si on leur barre le chemin. Oui, une femme doit être la préoccupation et non l'occupation de son mari. Pourquoi est-ce que j'ai toujours adoré ta mère? C'est parce que je n'avais pas le temps de penser à elle. Oui, et toi, ton mari a 24 heures par jour pour t'aimer. C'est trop de 12. Vous m'ouvrez les yeux. Ben non, mais que ce garçon prenne une occupation et tout rentrera dans l'ordre. Qu'en dis-tu, Tony? C'est possible, mais la difficulté est de le lui faire entendre. Bon, j'attacherai le grelot, soutenez-moi tous les deux. Oui, est-ce que tu comptes aborder la question maintenant? Non, à la fin du déjeuner. J'ai remarqué que monsieur le marquis a la digestion gaie. Ma chère Antoinette, monsieur de Montméran, ce n'est pas un inconnu pour vous. En effet, monsieur. Gaston m'a tant de fois parlé de vous que je crois tendre la main à un ancien ami. Vous ne vous trompez pas, madame. Vous me faites comprendre qu'un instant peut suffire pour improviser une vieille amitié. Ma chère, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Hector veut bien demeurer avec nous pendant tout son congé. Oh, c'est aimable à vous, monsieur. J'espère que votre congé est long. Et moi, madame, et je retourne en Afrique. Vous donnez là un noble exemple, monsieur le duc. C'est bien à vous de ne pas considérer l'oisiveté comme un héritage de famille. une pierre dans mon jardin. Il finira par le paver, ce bon monsieur Verdelet. On vient d'apporter ce tableau pour monsieur le marquis. Ah, mettez-le sur cette chaise-là, près de la fenêtre. Voilà, c'est bien là. Viens voir cela, mon Méran. Ah, c'est vrai. Oui, c'est charmant. Un joli effet de soir. Ne trouvez-vous pas, madame? Oui, charmant. Comme c'est vrai. Tout cela est calme et recueilli. On aimerait à se promener dans ce paysage silencieux. Voyons cela, verre de lait. Qu'est-ce que ça représente, ça? Ça représente, je ne sais pas, moi, la campagne à 9h du soir dans les champs. Oui, c'est pas intéressant, quoi, ça ne dit rien. Non, j'ai dans ma chambre une gravure qui représente un chien au bord de la mer, aboyant devant un chapeau de matelot. Alors là, à la bonne heure, ça se comprend, c'est simple et touchant. Eh bien, monsieur Poirier, puisque vous aimez les tableaux touchants, je vous en préfère un, d'après un sujet que j'ai pris moi-même sur nature. Il y avait sur une table un petit oignon coupé en quatre, un pauvre petit oignon blanc. Le couteau était à côté, ce n'était rien, ça tirait les larmes des yeux. Ah, oui, il se moque de toi. Non, laisse-le dire. Mais de qui est ce paysage? Oh, d'un pauvre diable plein de talent qui n'a pas le sou. Hein? Et combien avez-vous payé ça? 50 louis. 50 louis? Le tableau d'un inconnu qui meurt de faim à l'heure du dîner, vous l'auriez eu pour 25 francs. Oh. Voilà, une générosité bien placée. Comment, monsieur Poirier, trouveriez-vous mauvais qu'on protège les arts? On protège les arts, non, mais les artistes. Ah, non, ce sont des fainéants, des débauchés. On raconte d'eux des choses qui donnent la chair de poule et je ne me permettrai pas de répéter devant ma fille. Ah oui, quoi? Mais on dit. Tu crois ces choses? Mais je l'ai entendu dire à des gens qui le savaient. Madame la marquise est servie. Vous monterez une fiole de mon pommard de 1811. L'année de la comète, monsieur le duc. 15 francs la bouteille. Le roi n'en boit pas de meilleur. Je n'en boirai pas. Et toi non plus. Mon cher monsieur Poirier, il faut que je vous le dise une bonne fois. Vous êtes un homme excellent. Croyez bien que vous n'avez pas affaire à un ingrat. Ah, monsieur le marquis. Appelez-moi Gaston, que diable. Et vous, mon cher monsieur Verdelet, savez-vous bien que j'ai plaisir à vous voir? Et de la famille, mon ami. Ah, touchez donc là, mon oncle. Monsieur le marquis, il n'est pas méchant. Ah, convient Hector que j'ai eu de la chance. Tenez, monsieur Poirier. J'ai un poids sur la conscience. Vous ne songez qu'à faire de ma vie une fête de tous les instants. Ne m'offrirez-vous jamais une occasion de m'acquitter? Tâchez donc, une fois, de désirer quelque chose qui soit en mon pouvoir. Bon. Eh bien, mon cher Gaston, vous êtes heureux, vous le dites, et c'est ma meilleure récompense. Je ne demande qu'à doubler la gratification. Mais voilà déjà 3 mois donnés aux douceurs de la lune de miel. La part du roman me paraît suffisante et je crois l'instant venu de penser à l'histoire. Palsambleu, vous parlez comme un livre. Pensons à l'histoire, je le veux bien. Que comptez-vous faire? Aujourd'hui? Et demain, et à l'avenir, enfin, vous avez bien une idée. Sans doute, mon plan est arrêté. Je compte faire aujourd'hui ce que j'ai fait hier et demain ce que j'aurais fait aujourd'hui. Je ne suis pas un esprit versatile, malgré mon air léger. Et pourvu que l'avenir ressemble au présent, je me tiens satisfait. Vous êtes trop raisonnable pour croire à l'éternité de la lune de miel. Trop raisonnable, vous l'avez dit. Et trop ferré sur l'astronomie, vous n'êtes pas sans avoir lu Henrienne. Oh, ouais, vraiment, tu as dû lire ça, toi. Oui. Cet être-là a passé sa vie à faire l'école buissonnière. Eh bien, Henrienne, interrogé sur le sort des vieilles pleines lunes, répond qu'on les casse pour en faire des étoiles. Je ne saisis pas. Ah, bien, quand notre lune de miel sera vieille, nous la casserons et il y aura de quoi faire toute une voie lactée. Enfin, l'image est sans doute fort gracieuse. Oui, elle n'a de mérite que son extrême simplicité. Mais sérieusement, mon gendre, vous ne pensez pas que la vie un peu oisive que vous menez risque d'être funeste au bonheur d'un jeune ménage? Nullement. Monsieur le marquis, un homme de votre valeur ne peut pas se condamner au désœuvrement à perpétuité. Vous avez avec de la résignation. Ne craignez-vous pas, mon ami, que l'ennui ne vous gagne? Vous vous calomniez, ma chère. Je n'ai pas la prétention de croire que je puisse remplir votre existence tout entière. Et je vous avoue, je serais heureuse de pouvoir suivre l'exemple de monsieur de Montmerin. Me conseillez-vous de m'engager par ça? Non, certes. Et quoi donc alors? Non, mais nous voudrions vous voir prendre une position digne de votre nom. Il n'y a que trois positions que mon nom me permette. Soldat, évêque ou laboureur. Choisissez. Nous nous devons tous à la France. La France est notre mère. Oui, je comprends. Je comprends le chagrin d'un fils dont la mère se remarie. Mais je comprends aussi qu'il n'assiste pas à la noce. Mais s'il a du cœur, et si le second mari de sa mère la rend heureuse, eh bien, il lui tendra bientôt la main. Oui. L'abstention de la noblesse ne peut durer éternellement, n'est-ce pas? Elle commence d'ailleurs elle-même à le reconnaître. Et plus d'un grand nom a déjà donné l'exemple. Enfin, monsieur de Valchevrière, monsieur de Chazerolles, monsieur de Montlouis. Ces messieurs ont fait ce qu'il leur a convenu de faire. Je ne les juge pas. Mais il ne m'est pas permis de les imiter. Pourquoi donc, mon ami? Demandez à Montmirand. L'uniforme de monsieur le duc répond pour lui. Non, permettez, monsieur. Le soldat n'a qu'une opinion, le devoir. Et qu'un adversaire, l'ennemi. Alors, cependant, monsieur, on pourrait vous répondre... Brisons-la, monsieur Poirier. Il n'est pas question ici de politique. Les opinions se discutent. Les sentiments ne se discutent pas. Je suis lié par la reconnaissance. Ma fidélité est celle d'un serviteur et d'un ami. Plus un mot là-dessus. Je te demande pardon, mon cher. C'est la première fois qu'on parle politique ici. Je te promets bien que ce sera la dernière. On vous a fait faire une maladresse, madame. Hélas, je le vois trop tard. Te voilà dans le joli drap. Non, le premier assaut a été repoussé, mais je ne lève pas le siège. Sans rancune, monsieur Poirier. Je me suis exprimé un peu vertement, mais j'ai l'épiderme délicat à cet endroit. Mais sans le vouloir, j'en suis certain. Vous m'aviez égratigné, je ne vous en veux pas. Vous êtes trop bon. Il y a dans le petit salon des gens qui prétendent avoir rendez-vous avec monsieur Poirier. Priez ces messieurs de m'attendre. Tu m'excuses. Vos créanciers, mon gendre. Les vôtres, cher beau-père, je vous les ai donnés. En cadeau de noces. Permettez-moi de prendre congé, messieurs. Vous nous quittez déjà? Mais oui, Antoinette m'a chargé d'une petite commission. Tiens, laquelle? C'est un secret entre elle et moi. Savez-vous bien que si j'étais jaloux? Mais vous ne l'êtes pas. Elle est charmante, ta femme. Oui, elle est gentille, oui. Bon. Monsieur le Marquis, je vais payer vos créanciers. Monsieur Poirier, parce que ces gens-là m'ont prêté de l'argent, ne vous croyez pas tenu d'être poli avec eux. Ce sont d'abominables coquins. Tu as dû les connaître, Hector. Qui? Le père Salomon, monsieur Chevassu, monsieur Cogne. Si, je les ai connus. Ils me prêtaient à 50% au denier d'eux, comme disaient nos pères. Mais quel brigandage! Vous aviez la sottise! Monsieur Poirier, je vous demande pardon, monsieur le duc. J'aime à croire, mon gendre, que vous n'avez pas emprunté à ce taux. Oui, j'aimerais à le croire aussi, beau père. Mais à 50%? Ni plus ni moins. Mais... Tiens. Merci. Enfin, écoutez, moi, je ne sais pas si vous... Alors, si vous m'aviez dit ça plus tôt, avant votre mariage, j'aurais obtenu une transaction. Justement, ce que je ne voulais pas. Il ferait beau voir que le marquis de Presles racheta sa parole au rabais et fit lui-même cette insulte à son nom. Écoutez, monsieur, je me crois fort honnête homme, je n'ai jamais fait tort d'un sou à personne. Je suis incapable de vous donner un conseil indélicat, mais il me semble qu'en remboursant ces drôles de leurs déboursés réels et en y ajoutant les intérêts composés à 6%, vous auriez satisfait à la plus scrupuleuse probité. Il ne s'agit pas de probité, c'est une question d'honneur. Quelle différence, faites-vous, entre les deux? L'honneur et la probité du gentilhomme. Ainsi, nos vertus changent de nom quand vous daignez les pratiquer. Vous les décrassez pour vous en servir. Eh bien, je m'étonne d'une chose, c'est que le nez d'un noble daigne s'appeler comme le nez d'un bourgeois. C'est que tous les nez sont égaux, à 6 pouces près. Et croyez-vous que tous les hommes ne le soient pas? La question est grave. Elle est résolue depuis longtemps, monsieur le marquis. Nos droits sont abolis, mais non pas nos devoirs. De tous nos privilèges, il ne nous reste que deux mots. Mais deux mots que nulle main humaine ne peut rayer. Noblesse oblige. Et quoi qu'il arrive... Nous resterons toujours soumis à un code plus sévère que la loi, l'honneur. Eh bien, monsieur le marquis, il est heureux pour votre honneur que ma probité paye vos dettes. Finalement, comme je ne suis pas gentilhomme, je vous préviens que j'essayais de m'en tirer au meilleur marché possible. Vous serez bien fin si vous faites lâcher prise à ces bandits. Ils sont maîtres de la situation. Nous verrons, je ne veux pas les irriter en les faisant attendre davantage. Le diable, non, ils vous dévoreraient. Pauvre monsieur Poirier, j'en suis fâché pour lui. Cette révélation lui gâte tout le plaisir qu'il se faisait de payer mes dettes. Ah, écoute donc, ils sont rares les gens qui savent se laisser voler. C'est un art de grand seigneur. Messieurs de Ligny et de Chazerolles demandent à parler à monsieur le marquis, de la part de monsieur le Pangrimaud. Non, c'est bien, priez-les d'attendre un instant. Et Hector, va recevoir ces messieurs. Tu n'as pas besoin de moi pour arranger la partie. Non, je... Une partie? Oui, ma chère, oui. J'ai gagné une grosse somme à Pangrimaud. Mais je lui ai promis ça. Pardon. Que ce soit demain dans l'après-midi. Quand te reverrai-je? Madame de Manger m'attend à 3h, mettons 5h ici. Viendrez-vous ce soir aux Italiens? Oui, si vous y allez. J'y vais. Quelle robe mettrez-vous? Celle qui vous plaira. Oh, mais dégage. Je veux dire que vous êtes jolie avec toutes. Vous qui avez si bien le sentiment de l'élégance, mon ami, vous devriez me donner des conseils. Je suis pas un journal de mode, ma chère, au surplus. Vous n'avez qu'à regarder les grandes dames et à prendre modèle. Voyez, Madame de Nantes, Madame de Villepreux... Madame de Manger. Pourquoi Madame de Manger plus qu'une autre? Parce qu'elle vous plaît plus qu'une autre. Où prenez-vous cela? L'autre soir à l'opéra, vous lui avez fait une longue visite dans sa loge. Elle est très jolie. A-t-elle de l'esprit? Beaucoup. Pourquoi ne m'avertissez-vous pas quand je fais quelque chose qui vous déplaît? Je n'y ai jamais manqué. Vous ne m'avez jamais adressé une remontrance. C'est que vous n'avez jamais rien fait qui m'ait déplu. Vous allez bien loin tout à l'heure en insistant pour que vous prissiez un emploi, je vous ai froissé. Je n'y pensais déjà plus. Mais croyez bien que si j'avais su à quel sentiment respectable je me heurtais. Mais en vérité, ma chère, on dirait que vous faites des excuses. Non, j'ai peur que vous l'attribuez à une vanité puérile. Et quand vous auriez un peu de vanité, le grand crime. Je n'en ai pas, je vous jure. Eh bien alors, mon cher, vous êtes sans défaut car je ne vous en voyais pas d'autre. Ah, savez-vous que vous avez fait la conquête de Montméran? Il y a là de quoi être fier. Hector est difficile. Moins que vous. Vous me croyez difficile? Ah, oui, eh bien, vous avez de la vanité. Je vous y prends. Je ne me fais pas d'illusions sur moi-même. Je sais bien tout ce qui me manque pour être digne de vous. Et si vous vouliez prendre la peine de diriger mon esprit, de l'initier aux idées de votre monde, je vous aime assez pour me métamorphoser. Je ne pourrais que perdre la métamorphose. Je serai d'ailleurs un mauvais instituteur. Il n'y a qu'une école où l'on apprenne ce que vous croyez ignorer, c'est le monde. Étudiez-le. Oui, je prendrai modèle sur Madame de Manger. Encore ce nom? Vous, me feriez-vous l'honneur d'être jalouse? Prenez garde, Madame, ce sentiment est du dernier bourgeois. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas de ce que je fais. Quand je suis loin de vous, dites-vous, il fatigue ses défauts pour m'apporter une heure de perfection. Ou à peu près. Je trouve que votre plus grand défaut, c'est votre absence. Le madrigal est joli et je vous en remercie. Comment vous ici, monsieur Chevassu? Vous êtes trompé de porte. L'escalier de service est de l'autre côté. Je ne voulais pas sortir sans vous voir, monsieur le marquis. Ces messieurs qui étaient avec moi auraient eu le même désir, mais ils ne sont pas entrés par modestie. Et je viens de leur part... Dites-leur que je les tiens quitte de leurs remerciements. Ah, pardon. En leur nom et au mien, je viens chercher les vôtres. Qu'est-ce à dire? Vous avez assez longtemps traité de gobsec, de gripsou et de fesse Mathieu. Je ne vous en fais pas mes excuses. Je suis bien aise de vous dire que nous sommes d'honnêtes gens. Quelle est cette plaisanterie? Ce n'est pas une plaisanterie, c'est un fait. Nous vous avons prêté notre argent au taux du commerce. Comment? À 6%, pas davantage. Mais mes billets n'ont-ils pas été acquittés intégralement? Il s'en faut d'une bagatelle. Non, finissons, s'il vous plaît. Comme qui dirait, 218 000 francs. Oui, il a fallu en passer par là ou tout perdre. Votre beau-père voulait absolument qu'on vous mît à Clichy. Mon beau-père voulait? Oui. Il paraît que vous lui en faites voir de cruel à ce pauvre homme. Ce n'est pas que je le plaigne. Au surplus, il a fait une sottise qui ne lui coûtera jamais assez. En attendant, elle nous coûte cher à nous. Votre père, madame, a joué là une comédie indigne. Je reste votre débiteur et celui de ces messieurs. J'ai 25 000 livres de rente. Vous savez bien que vous n'y pouvez pas toucher sans le consentement de votre femme. Santé. Nous avons lu le contrat. On vous a lié les mains et vous ne rendez pas votre femme assez heureuse. Sortez! Doucement. On ne chasse pas comme des chiens d'honnêtes gens dont on est l'obligé, qui ont cru que la signature du marquis de Presles valait quelque chose et qui se sont trompés. Vous ne vous êtes pas trompés, monsieur. Vous êtes tous payés. Et maintenant dehors. Trop bon, monsieur le marquis, mille fois trop bon. Où diable, monsieur, ton père a-t-il pris le cœur qu'il t'a donné? Ne jugez pas mon père trop sévèrement. Il est bon et généreux, mais il a des idées étroites et ne connaît que son droit. C'est la faute de son esprit et non celle de son cœur. Enfin, si vous trouvez que j'ai fait mon devoir à propos, pardonnez à mon père le moment d'angoisse. J'aurais mauvaise grâce à vous rien refuser. Vous ne ferez pas mauvais visage, bien sûr. Non, puisque c'est votre bon plaisir, chère marquise. Appelez-moi votre femme. C'est le seul titre dont je puisse être fière. Vous m'aimez donc un peu? Vous ne nous en étiez pas aperçu. Si fait, j'aime à vous l'entendre dire. Surtout dans ce moment-ci. 3 heures, Madame de Mongeau qui m'attend chez elle. À quoi pensez-vous en souriant? Voulez-vous faire un tour de promenade au bois avec moi? Je ne suis pas habillée. Vous jetterez un châle sur vos épaules. Sonnez votre femme de chambre. Alors, mon gendre, avez-vous vu vos créanciers? Oui, monsieur. Oui, cher beau-père, je les ai vus. Madame a besoin de moi. Apportez-moi un châle et dites qu'on attelle. Bien, madame. Permettez-moi de vous féliciter pour votre habileté. Vous avez joué ces drôles-là sous jambe. C'est gentil. Mais vous prenez la chose mieux que je n'espérais. J'étais préparé à de fières ruades de votre honneur. Je suis raisonnable, cher beau-père. Vous avez agi selon vos idées. Je le trouve d'autant moins mauvais que cela ne nous a pas empêchés d'agir selon les nôtres. Hein? Vous n'avez soldé à ces faquins que leurs créances réelles. Nous avons payé le reste. Comment tu as signé, Dieu du ciel, mais qu'as-tu fait là? Je demande pardon, mon père. Mais je me mets la cervelle à l'envers pour te gagner une somme rondelette et tu la jettes par la fenêtre. 218 000 francs. Oh, mais ne pleurez pas, monsieur Poirier. C'est nous qui les perdons et c'est vous qui les gagnez. Adieu, mon père, nous allons au bois. Donnez-moi le bras. Ma femme. Mais il m'ennuie, mon gendre. Il n'y a rien à tirer de lui. Ce jeune homme mourra dans la gentilhommerie finale. Il ne veut rien faire. Il est bon à rien. Il me coûte les yeux de la tête. Il est maître chez moi. Il faut que ça finisse. Faites monter le portier et le cuisinier. Bien, monsieur. Nous allons bien voir. Ah, vous ne voulez pas faire de concessions, mon bon ami. À votre aise, je n'en ferai pas plus que vous. Restez marquis, je redeviens bourgeois. J'aurai du moins le contentement de vivre à ma guise. Monsieur m'a fait demander. Oui, François, monsieur vous a fait demander. Vous allez mettre immédiatement les criteaux sur la porte. Les criteaux? Alloué, présentement, magnifique appartement au premier étage avec écurie et remise. L'appartement de monsieur le marquis? Vous l'avez dit, François. Mais monsieur le marquis ne m'a pas donné d'ordre. Qui est le maître ici, imbécile? Alors, à qui est l'hôtel? Mais à vous, monsieur. Bon, obéissez sans faire de réflexion, allez. Oui, monsieur. Mais enfin, monsieur... Je vous ai dit, allez, François. Approchez, monsieur Vatel. Vous préparez un grand dîner pour demain. Oui, monsieur. Et j'ose dire que le menu ne serait pas désavoué par mon illustre aïeul. Ce sera véritablement un objet d'art. Et monsieur Poirier sera étonné. Vous avez ce menu? Non, monsieur, il est à la copie. Mais je le sais par cœur. Veuillez me le réciter. Le potage au ravioles à l'italienne... Et le potage à l'orge à la Marie Stuart. Alors, vous remplacerez ces deux potages inconnus par une bonne soupe grasse avec des légumes sur une assiette. Comment, monsieur? Je le veux, continuez. Relevez. La carpe du Rhin à la lituanienne, les poulardes à la godard, le filet de bœuf braisé au raisin à la napolitaine, le jambon de Westphalie rôti madère. Oui, alors voici un relevé plus simple et plus sain. La barbue sauce capre, le jambon de Bayonne aux épinards, le fricando à l'oseille et le lapin sauté. Mais monsieur Poirier, je ne consentirai jamais à... Qui est le maître ici? Continuez. Entrez. Les filets de volaille à la concordat. Les croustades de truffes garnies de foie à la royale. Le faisan étoffé à la Montpensier. Les perdreaux rouges farcis à la bohémienne. Bon, alors à la place de ces rôtis, nous ne mettrons rien du tout, et plutôt de ces entrées, disais-je. Et nous passerons directement aux rôtis, n'est-ce pas? C'est l'essentiel. Mais c'est contre tous les préceptes de l'art. Je prends ça sur moi, voyons vos rôtis. Inutile, monsieur. Mon aïeul s'est passé son épée au travers du corps pour un moindre affront. Je vous donne ma démission. J'allais vous le demander, mon bon ami, mais comme on a 8 jours pour remplacer un domestique... Un domestique? Monsieur, je suis un cuisinier. Je vous remplacerai par une cuisinière, mais en attendant, vous êtes à mon service pour 8 jours encore et je vous prie d'exécuter le menu. Je me brûlerai la cervelle plutôt que de manquer à mon nom. Encore un qui tient à son nom. Brûlez-vous la cervelle, monsieur Vatel, mais ne brûlez pas vos sauces. Bien le bonjour. Et maintenant, allons écrire quelques invitations à mes vieux amis de la rue des Bourdonnais. Ah, monsieur le marquis de Presles, on va vous couper vos talons rouges. Attends, ce soir est en avril. Vous ne vous êtes pas trop ennuyé, vraiment? Avec vous, ma chère. Vous êtes tout simplement la femme la plus charmante que je connaisse. Oh, des compliments, monsieur. Non pas, la vérité. Quelle jolie excursion j'ai faite dans votre esprit. Que de points de vue inattendus, que de découvertes. Je vivais auprès de vous sans vous connaître, comme un Parisien dans Paris. Je ne vous déplais pas trop. C'est à moi de vous faire cette question. Je ressemble à un campagnard qui a hébergé une reine déguisée. Tout à coup, la reine met sa couronne et le rustre confus s'inquiète de ne pas lui avoir fait plus de fête. Rassurez-vous, bon villageois, votre reine n'accusait que son incognito. Pourquoi l'avoir gardée si longtemps, méchant? Est-ce par coquetterie? Dans ce cas, vous avez réussi. Je n'étais que votre mari. Je veux être votre amant. Non, restez mon mari. Il me semble qu'on peut cesser d'aimer son amant, mais non pas d'aimer son mari. À la bonne heure, vous n'êtes pas romane. Oh, je le suis à ma manière. J'ai là-dessus des idées qui ne sont peut-être plus de mode, mais qui sont enracinées en moi comme des impressions d'enfance. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas que mon père et ma mère ne fussent pas parents. Et le mariage m'est toujours resté dans l'idée comme la plus tendre et la plus étroite des parentés. L'amour pour un autre homme que mon mari pour un étranger me paraît un sentiment contre nature. Voilà des idées de matrone romaine. Conservez-les toujours. Pour mon honneur et mon bonheur. Ne prenez garde, il y a le revers de la médaille. Je suis jalouse, je vous en avertis. Comme il n'y a pour moi qu'un homme au monde, il me faut toute son affection. Le jour où je découvrirai que vous allez la porter ailleurs, je ne ferai ni plainte ni reproche. Mais le lien serait rompu. Je m'apercevrai tout à coup que mon mari n'est plus pour moi qu'un étranger. Je me croirai veuve. Ne craignez rien à ce sujet. Nous allons vivre comme deux tourtereaux, comme Philémon et Baucis. Sauf la chaumière. Vous ne tenez pas à la chaumière. Pas le moins du monde. Je veux donner une fête splendide pour célébrer notre mariage. Je veux que vous éclipsiez toutes les femmes et que tous les hommes me portent en vous. Faut-il tant de bruit autour du bonheur? Est-ce que vous n'aimez pas les fêtes? Oh, j'aime tout ce qui vous plaît. Aurons-nous du monde à dîner ce soir? Non, c'est demain. Ce soir, nous n'avons que Montméran. Pourquoi cette question? Dois-je faire une toilette? Parbleu, je veux qu'en te voyant, Hector ait envie de se marier. Je suis bien heureuse. T'as pas à dire. Elle est plus jolie que Madame de Monger. Diable m'emporte si je ne suis pas en train de devenir amoureux de ma femme. Eh bien, cher beau-père, comment gouvernez-vous ce petit désespoir? Êtes-vous toujours furieux contre votre panier percé de gendre? Avez-vous pris votre parti? Non, monsieur, mais j'ai pris un parti. Violent. Nécessaire. Ah, y a-t-il de l'indiscrétion à vous demander? Au contraire, c'est une explication que je vous dois. Monsieur, en vous donnant ma fille et 1 million, j'avais pensé que vous consentiriez à prendre une position. Ne revenons pas là-dessus, je vous prie. Oh, si, je n'y reviens que pour mémoire. Mais j'avoue que j'ai eu tort de penser qu'un gentilhomme daignerait s'occuper comme un homme, et je passe condamnation. Mais dans mon erreur, je vous ai laissé mettre ma maison sur un ton que je ne peux pas soutenir à moi tout seul. Or, comme il est bien convenu que nous n'avons à nous deux que ma fortune, je crois qu'il est juste, raisonnable, de supprimer de mon train ce qu'il me fera battre de mes espérances. J'ai donc pensé à quelques réformes que vous approuverez sans doute. Allez, Sully, allez, Turgot. Coupez, taillez, j'y consens. Vous me trouvez en belle humeur, profitez-en. Je suis ravi de votre condescendance. J'ai donc décidé, arrêté, ordonné... Ah non, mais permettez, beau-père. Si vous avez décidé, arrêté, ordonné, il me paraît superflu que vous me consultiez. Aussi, ne vous consultez-je point, je vous mets au courant, voilà tout. Ah. Vous ne me consultez pas. Cela vous étonne. Un peu, mais je vous l'ai dit, je suis en belle humeur. Ah, ma première réforme, mon cher garçon... Vous voulez dire mon cher Gaston, je pense. La langue vous a fourché. Mon cher Gaston, c'est tout un. De beau-père à gendre, la familiarité est permise. Et de votre part, monsieur Poirier, elle me flatte et m'honore. Vous disiez donc que votre première réforme... C'est, monsieur, que vous me fassiez le plaisir de ne plus me gouailler. Je suis là pour vous servir de plastron. Là, là, monsieur Poirier, ne vous fâchez pas. Ouais, je sais que vous me tenez pour un très petit esprit, un très petit personnage, mais... prenez-vous cela? Mais vous saurez qu'il n'y a plus de cervelle dans ma pantoufle que sous votre chapeau. Ah, ah, ah, ah, ah. fi, voilà qui est trivial. Vous parlez comme un homme du commun. Je ne suis pas un marquis, moi. Ne le dites pas si haut, on finirait par le croire. Qu'on le croit ou non, c'est le cadet de mes soucis. Je n'ai aucune prétention à la gentilhommerie. Dieu merci, je n'en fais pas assez de cas pour cela. Ah, vous n'en faites pas de cas. Non, monsieur, non, non, je suis un vieux libéral, tel que vous me voyez. Je juge les hommes sur leur mérite et non sur leur titre. Je me ris des hasards de la naissance. La noblesse ne m'éblouit pas et je m'en moque comme de l'an 40. Je suis bien aise de vous l'apprendre. Me trouveriez-vous du mérite par hasard? Non, monsieur, non, je ne vous en trouve pas. Non, alors pourquoi m'avez-vous donné votre fille? Pourquoi je vous ai donné? Mais vous aviez donc une arrière-pensée. Une arrière-pensée? Non, mais permettez. Votre fille ne m'aimait pas quand vous m'avez attiré chez vous. Ce n'était pas mes dettes qui m'avaient valu l'honneur de votre choix. Puisque ce n'est pas non plus mon titre, je suis bien obligé de croire que vous aviez une arrière-pensée. Non, mais quand même, c'est pas quand j'aurais tâché de concilier mes intérêts et le bonheur de ma fille, quel mal y verriez-vous? Qui me reprochera à moi qui dans la million de ma poche, qui me reprochera de choisir un gendre en état de me dédommager de mes sacrifices? Quand d'ailleurs il est aimé de ma fille. J'ai pensé à elle d'abord, c'était mon devoir. Et à moi ensuite, c'était mon droit. Mais je ne conteste pas, monsieur Poirier. Vous n'avez eu qu'un tort. C'est de manquer de confiance en moi. Mais vous n'êtes pas encourageant. Oh, me gardez-vous rancune de quelques plaisanteries. Je ne suis peut-être pas le plus respectueux des gendres, et je m'en accuse. Okay. Mais dans les choses sérieuses, je suis sérieux. Il est très juste que vous cherchiez en moi l'appui que j'ai trouvé en vous. Comprendrait-il la situation? Voyons. À quoi puis-je vous être bon? Si tant est que je puisse être bon à quelque chose. J'avais rêvé que vous iriez aux Tuileries. Encore? C'est donc votre marotte de danser à la cour. Oh ben, j'agis bien de danser. Faites-moi l'honneur de me prêter des idées moins frivoles. Mais non, je ne suis ni vain ni futile. Ah, mais qu'êtes-vous donc, ventre cinglé? Expliquez-vous. Je suis ambitieux. Et on dirait que vous en rougissez. Mais pourquoi? Avec l'expérience que vous avez acquise dans les affaires, vous pouvez prétendre à tout. Le commerce est la véritable école des hommes d'État. C'est ce que me disait Verdelet ce matin. C'est là qu'on puise cette hauteur de vue, cette élévation de sentiment, ce détachement des petits intérêts qui font les Richelieu et les Colbert. Non, je ne prétends pas. Voyons, qu'est-ce qui pourrait bien lui convenir à ce bon monsieur Poirier? Attendez. Une préfecture. Fidane. Le Conseil d'État. Non. Un poste diplomatique. Justement, l'ambassade de Constantinople est vacant. Non, j'ai des goûts sédentaires et je n'entends pas le turc. Il n'entend pas le turc. Attendez. Voyez. Je crois que la pairie vous irait comme un gant. Croyez-vous? Mais voilà le diable. Vous ne faites partie d'aucune catégorie. Vous n'êtes pas encore de l'Institut. Et tranquille, je paierai quand il vaudra 3000 francs de contribution directe. J'ai à la banque 3 millions qui n'attendent qu'un mot de vous pour s'abattre sur de bonnes terres. Oh, Machiavel, Sixte Quint, vous les roulerez tous. Je crois que oui. Mais j'aime à penser que votre ambition ne s'arrête pas en si bon chemin. Il vous faut un titre. Non, je ne tiens pas assez au chêne de la vanité. Non, vous savez, je suis, comme je vous l'ai dit, un vieux libéral. Mais raison plus. Un libéral n'est tenu de mépriser que l'ancienne noblesse. Mais la nouvelle, celle qui n'a pas d'aïeux. Et celle qu'on ne doit qu'à soi-même. Vous serez con. Non, n'exagérons pas, non. Baron seulement. Baron? Baron. Ah oui, baron, baron, le baron Poirier. Ça sonne bien à l'oreille. Le baron Poirier. Je vous demande pardon, mais là, c'est trop drôle. Baron, monsieur Poirier, baron, baron de Cadillac. Je suis joué. Arrête donc. Sais-tu pourquoi Jean-Gaston de Presles a reçu 3 coups d'arquebuse à la bataille d'Ivry? Pourquoi François-Gaston de Presles est monté le premier à l'assaut de La Rochelle? Pourquoi Louis-Gaston de Presles s'est fait sauter à l'orgue? Pourquoi Philippe-Gaston de Presles a pris 2 drapeaux à Fontenoy? Eh bien, et pourquoi mon grand-père est mort à Quibon? C'était pour que Monsieur Poirier fût un jour pair de France et baron. Que veux-tu dire? Voilà le secret du petit assaut qu'on m'a livré ce matin. Je comprends. Savez-vous, monsieur le duc, pourquoi j'ai travaillé 14 heures par jour pendant 30 ans? Pourquoi j'ai amassé, sou à sou, 4 millions en me privant de tout? C'était afin que monsieur le marquis Gaston de Presles, qui n'est mort ni à Quiberon, ni à La Rochelle, ni à La Hogue, ni ailleurs, puisse mourir de vieillesse sur un lit de plumes après avoir passé sa vie à ne rien faire. Bien répliqué, monsieur. Et ben voilà qui promet pour la tribu. Il y a là des messieurs qui demandent à voir l'appartement. Quel appartement? Celui de monsieur le marquis. Le prend-on pour un muséum d'histoire naturelle? Veuillez ces messieurs de repasser. Non, excusez-moi, mon gendre, entraîné par la gaieté de votre entretien, je ne vous ai pas dit que je loue le premier étage de mon hôtel. Hein? Oui, c'est une des petites réformes dont je vous ai parlé. Et où comptez-vous me loger? Au deuxième, l'appartement est assez vaste pour nous contenir tous. L'Arche de Noé? Il va sans dire que je loue également les écuries, les remises. Ah, mes chevaux, vous les logerez au deuxième aussi? Non, vous les vendrez. J'irai donc à pied. Ça te fera du bien, tu ne marches pas assez. D'ailleurs, je garde mon petit coupé bleu, je vous le prêterai. Quand il fera beau. Quand il fera beau. Ah, ça, monsieur Poirier. Monsieur Vatel demande à parler à monsieur le marquis. Qui donc? Quelle est cette tenue, monsieur Vatel? Êtes-vous d'enterrement ou la marée manque-t-elle? Je viens donner ma démission à monsieur le marquis. Votre démission, la veille d'une bataille? Telle est l'étrange position qui m'est faite. Je dois déserter pour ne pas me déshonorer. Que monsieur le marquis daigne jeter les yeux sur le menu que m'impose monsieur Poirier. Vous impose monsieur Poirier? Voyons cela. Le lapin sauté. C'est le plat de mon vieil ami du Caillou. La dinde au marron. Le régal de mon camarade Groschenet. Vous traitez la rue des Bourdonnais. En même temps que le faubourg Saint-Germain. J'accepte votre démission, monsieur Vatel. Ainsi demain. Mes amis auront l'honneur d'être présentés au vôtre. Vous l'avez dit, monsieur, ils auront cet honneur. Monsieur le duc ne sera pas humilié de manger ma soupe entre monsieur et madame Pincebourde. Oh, nullement, cette petite débauche ne me déplaira pas. Madame Pincebourde doit chanter au dessert. Oui, après dîner, nous ferons un sang de piquet. Oui, ou un loto. Ou un nain jaune. Mais de temps en temps, j'espère, nous renouvellerons cette bamboche. Mon salon sera ouvert tous les soirs, vos amis seront toujours les bienvenus. Mais décidément, monsieur Poirier, votre maison va devenir un lieu de délices, une véritable petite capoue. Je craindrais de m'y amollir. Et j'en sortirai pas plus tard que demain. J'en serai au regret, mais mon hôtel n'est pas une prison. Mon gendre! Quelle carrière embrasserez-vous? La médecine, le barreau, les ponts et chaussées, peut-être, ou le professorat. Car vous ne pensez pas tenir votre rang avec 9000 francs de rente. 9000 francs de rente? Mesdames, le bilan est facile à établir. Vous avez reçu 500 000 francs de la dot de ma fille. La corbeille de noces et les frais d'installation en ont absorbé 100 000. Vous venez d'en donner 218 000 à vos créanciers. Reste 182 000 qui, placés au taux légal, font 9000 francs de rente. Est-ce avec ce revenu que vous comptez nourrir vos amis de carpes à la lituanienne et de volailles à la concordat? Croyez-moi, mon cher Gaston, restez chez moi. Vous y serez beaucoup mieux que chez vous. Pensez à vos enfants, qui ne seront pas fâchés un jour de trouver dans la poche du marquis de Presles les économies du bonhomme Poirier. Bien le bonjour, mon gendre. Je vais régler le compte de monsieur Vatel. Ah, tu trouves ça drôle, toi? Oh, ma foi, oui. Voilà donc ce beau-père modeste et nourrissant comme tous les arbres à fruits. Ce Georges Dandin. Tu as trouvé ton maître, mon fils. Oh, mais pour l'amour du ciel, ne fais pas cette piteuse mine. Tu as l'air d'un paladin qui partait pour la croisade et que la pluie a fait rentrer. On me rit donc un peu, que diable. L'aventure n'a rien de tragique. Tu as raison. Parbleu, monsieur Poirier, mon beau-père, vous me rendez là un service dont vous ne vous doutez pas. Un service? Oui, mon cher. J'allais tout simplement me couvrir de ridicule. J'étais en chemin de devenir amoureux de ma femme. Dieu merci. Monsieur Poirier m'arrête à la première station. Mais ta femme n'est pas responsable des attises de Poirier. Elle est charmante. Laisse-moi donc tranquille, elle ressemble à son père. Mais pas le moins du monde. Je te dis qu'elle a un air de famille. Je ne pourrais plus l'embrasser sans penser à ce vieux crocodile. Et puis je voulais bien rester au coin du feu. Mais du moment qu'on y met la marmite, bonsoir. Mais où vas-tu? Chez madame de Manger. Voilà 2 heures qu'elle m'attend. Non, Gaston n'y va pas. Ah, on veut me mener la vigueur ici. On veut me mettre en pénitence. Non, écoute-moi donc. Tu n'as rien à me dire. Mais ton duel? C'est vrai, je n'y pensais plus. Ouais, tu te bats demain à 2 heures au bois de 25. Eh bien, très bien. De l'humeur dont je suis, Pont Grimaud passera demain. Joli quart d'heure, Gaston. Vous sortez, mon ami? Oui, madame, je sors. Eh bien, quoi, non, il ne me paraît pas d'humeur aussi charmante que tu le disais. Je n'y comprends rien. Il se passe ici des choses graves, madame. Quoi donc? Votre père est ambitieux. Oh oui, ambitieux Poirier. Oui, il avait compté sur le nom de son gendre pour arriver à... À la pairie comme Monsieur Michaud. Alors irrité du refus de Gaston, il cherche à se venger à coups d'épingle. J'ai bien peur que vous ne payiez les frais de la guerre. Comment cela? Ah, c'est bien simple. Si ton père rend la maison odieuse à ton mari, il cherchera des distractions ailleurs. Des distractions ailleurs? Monsieur Verdelet a mis le doigt sur le danger, et vous seul pouvez le prévenir. Si votre père vous aime, mettez-vous entre lui et Gaston. Obtenez la cessation immédiate des hostilités. Rien n'est encore perdu, tout peut se réparer, madame. Vous me faites trembler. Contre qui donc ai-je à me défendre? Contre votre père, madame. Oh non, vous ne me dites pas tout. Les torts de mon père ne m'enlèveraient pas mon mari en un jour. Il fait la cour à une femme. Mais non, madame. Pas de ménagement, monsieur le duc, j'ai une rivale. Non, mais calmez-vous, madame. Je le devine, je le vois, je le sens, il est auprès d'elle. Mais non, madame, il vous aime. Il me connaît depuis une heure. Ce n'est pas à moi qu'il a senti le besoin d'aller raconter sa colère. Il est allé se plaindre ailleurs. Oh, mais ne te bouleversez pas comme ça, mon petit. Voyons, il est allé prendre l'air, voilà tout. C'était mon remède à moi quand Poirier m'exaspérait. Qu'est-ce que c'est? Une lettre pour monsieur le marquis. Donnez. De quelle part? C'est le valet de pied de madame de Mongey qui l'a apporté. Madame de Mongey? Je verrai Gaston avant vous, madame. Si vous voulez, je lui remettrai cette lettre. Craignez-vous que je ne l'ouvre? Madame. Elle se sera croisée avec Gaston. Oh, mais qu'est-ce que tu vas supposer là, voyons? La maîtresse de ton mari aurait l'imprudence de lui écrire ici? Oh. De quoi lui écrire chez moi, il faudrait qu'elle me méprise à bien. D'ailleurs, je ne dis pas qu'elle est sa maîtresse, je dis qu'il lui fait la cour, je le dis parce que j'en suis sûre. Mais je vous jure, madame, que... N'oseriez-vous jurer sérieusement, monsieur? Mon serment ne vous prouverait rien, madame. Car un galant homme a le droit de mentir en pareil cas. Quoi qu'il en soit, je vous ai prévenu du danger, je vous ai indiqué les moyens d'y échapper. J'ai rempli mon devoir d'ami et d'honnête homme. Ne m'en demandez pas plus. Je viens de perdre tout ce que j'avais gagné dans le cœur de Gaston. Il m'appelait marquise il y a une heure. Mon père lui a rappelé brutalement que je suis mademoiselle Poirier. Eh bien, est-ce qu'on peut ne pas aimer mademoiselle Poirier? Mon dévouement aurait fini par le toucher, peut-être. Ma tendresse par attirer la sienne. Il était déjà sur la pente insensible qu'il conduisait à moi. Mon père lui a fait rebrousser chemin. Sa maîtresse. Mais il est impossible qu'elle le soit déjà, n'est-ce pas, Tony? Est-ce que tu crois qu'elle l'est? Oh, mais pas du tout. Enfin, qu'il lui fasse la cour depuis quelques jours, je le comprends. Mais pour être son amant, il faudrait qu'il lui commence le lendemain de notre mariage. Et ce serait infâme. Oui. Enfin, il ne m'a pas épousée avec la certitude qu'il ne m'aimerait jamais. Mais non. Il n'a pas dû me condamner si vite. Mais non, mais non, mais non. Tu n'en as pas l'air, bien sûr. Mais tu fous, Tony, d'accueillir un soupçon si odieux. Mais je te jure que mon mari est incapable d'une infamie. Ah oui. Mais réponds donc, c'est évident. Le prends-tu pour un misérable? Ah non, ah non. Alors pourquoi lui écrit-elle? Eh bien, je ne sais pas, pour le convier à une soirée quelconque. Une soirée bien pressée, alors, puisqu'elle envoie l'invitation par un domestique. Je pense que le secret de ma destinée est sous ce pli. Allons-nous-en. Cette lettre m'attire. Je suis tentée. Bien, tu as raison. Dis donc, Fifi. Antoinette. Qu'est-ce qu'elle regarde là, une lettre? Laissez mon père, c'est pour monsieur le prêtre. Jolie écriture. Ça ne sent pas le tabac, c'est une lettre de oui, femme. Je sais ce que c'est pour madame de Mongey. Mais comme tu es agitée, est-ce que tu as la fièvre? Tu as la fièvre. Non. Mais si fait, il y a quelque chose. Il n'y a rien, je vous assure. Laisse-la tranquille. Enfin, est-ce que le marquis te ferait des détails? Non, de non, si je le savais. Mon père, si vous m'aimez. Si je t'aime. Ne tourmentez pas Gaston. Mais est-ce que je le tourmente? Je fais des économies. Voilà tu fais des taquineries et elle retombe sur ta fille. Mêle-toi ce qui te regarde. Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce monsieur? Je veux le savoir. Non, non, du ciel, ne le querellez pas. Enfin, pourquoi manges-tu des yeux cette lettre? Tu crois que madame de Mongey. Elle le croit, n'est-ce pas, Verdelet? Suppose. Il est facile de s'en assurer. Non, mon père, le secret d'une lettre est sacré. Mais il n'y a de sacré pour moi que ton bonheur. Regarde, que dira le marquis? Je me soucie bien de ce que dira le marquis. Oh non, non, du ciel, ne lisez pas. Je lirai. Ce n'est pas mon devoir, c'est mon droit. Oh. Oh, le scélérat. Oui. Mais c'est toi qui m'as laissé faire ce mariage. Oh, mais c'est trop fort, ça. Je t'ai consulté, pourquoi ne t'es-tu pas mis en travers? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce qui devait t'arriver? Mais je te l'ai dit 20 fois, mais monsieur avait de l'ambition. Ah oui, ça m'a bien réussi, tiens. Elle perd connaissance. Oh, toi non, mon petit, reviens à toi. Monte-toi de là, ôte-toi de là. Est-ce que tu sais ce qu'il faut lui dire, toi? Toi non, mon petit, reviens à toi. C'est rien, mon petit. Non, mais sois tranquille, je te débarrasserai de ce monstre, hein. Après 3 mois de mariage, non, le lendemain, il ne m'a pas été fidèle un jour. Oh, mon père, j'en mourrai. J'en mourrai, mais je te le défends bien, qu'est-ce que je deviendrai, moi? Oh, le brigand. Tu t'en vas? C'est moi. Veux-tu que je t'accompagne? Laissons-la pleurer, les larmes la soulageront. Quel mariage, mon Dieu, quel mariage! Calme-toi, voyons, Poirier. Tout peut encore se réparer. Notre devoir, maintenant, c'est de rapprocher ces deux cœurs. Mon devoir, je le connais, non, je le ferai. Je t'en supplie, pas de coup de tête! Vous cherchez quelque chose, monsieur? Oui. Une lettre. De Madame de Mongeais, ne cherchez pas, elle est dans ma poche. L'auriez-vous ouverte par hasard? Oui, monsieur, je l'ai ouverte. Vous l'avez ouverte? Savez-vous bien, monsieur, que c'est une indignité? Que c'est l'action d'un malhonnête homme? Monsieur le marquis! Malhonnête homme, ici, c'est vous? Pas de reproche! En me volant le secret de mes fautes, vous avez perdu le droit de les juger. Il y a quelque chose de plus inviolable que la serrure d'un coffre-fort, c'est le cachet d'une lettre, car il ne se défend pas. Qu'est-ce que je te disais? Un coffre-fort, alors un père n'aurait pas le droit, mais je suis bien un bon de répondre. Vous vous expliquerez devant les tribunaux? Mais, les tribunaux? Ah, vous croyez qu'on peut impunément apporter dans nos familles l'adultère et le désespoir? Un procès, un bon procès en séparation de corps? Un procès? Oui. Où cette lettre sera lue? En public? Oui, monsieur, en public. Mais tu es fou, parier un pari scandaleux. Monsieur, vous ne songez pas que vous perdez une femme? Vous allez me parler de son honneur, peut-être? Oui, de son honneur. Et si ça n'est pas assez pour vous, sachez qu'il y va de sa ruine. Tant mieux. Morbleu, j'en serais ravi. Elle ne sera assez punie, celle-là. Monsieur. En voilà une, du moins, qui n'intéressera personne. Prendre le mari d'une pauvre jeune femme après 3 mois de mariage. Elle est moins coupable que moi, n'accusez que moi. Mais croyez-vous que je ne vous méprise pas comme le dernier des derniers? Mais vous n'êtes pas honteux? Sacrifier une femme charmante, que Dieu, reprochez-vous. Trouvez-lui un défaut, un seul, pour vous excuser. Un cœur d'or, des yeux superbes, une éducation. Enfin, tu sais ce qu'elle m'a coûté, quoi, Bertolet. Je ne me modère pas. Mais si je m'écoutais, je... Eh non, il y a des tribunaux. Je vais chez mon avoué. Oh! Attendez, monsieur. Attendez jusqu'à demain. Je vous en supplie. Donnez-vous le temps de la réflexion. C'est tout réfléchi? Aidez-moi à prévenir un malheur irréparable. Vous ne le connaissez pas. Prenez garde, monsieur. Je dois sauver cette femme. Je dois la sauver à tout prix. Et comprenez donc que je suis responsable de tout. Mais je l'entends bien assez. Vous ne savez pas jusqu'où le désespoir pourrait m'emporter. Quoi, des menaces? Oui, des menaces. Rendez-moi cette lettre. De la violence, faut-il que je sonne mes jambes? Non, écoutez-moi, du moins, monsieur. Je reconnais mes fautes. Je les déplore. Mais si je vous jurais de ne plus revoir Madame de Mongeais, si je vous jurais de consacrer ma vie au bonheur de votre fille... Ce serait la deuxième fois que vous le jureriez, fils. Non, écoutez-moi. Vous aviez raison ce matin. C'est le désœuvrement qui m'a perdu. Vous le reconnaissez maintenant. Eh bien, si je prenais un emploi... Un emploi, vous? Vous avez le droit de douter de ma parole, je le sais. Mais gardez cette lettre. Et si je manque à mes engagements, vous serez toujours à temps. Oui, oui, c'est vrai. Oui, tu acceptes, Poirier, tu acceptes, hein? Tout vaut mieux qu'une séparation. Non, je ne suis pas tout à fait de cet avis, enfin, puisque tu m'y obliges. Je souscris, monsieur, au traité que vous m'offrez. Il ne reste plus qu'à le soumettre à ma fille. Oh, mais ce n'est pas elle qui me bandera du scandale, en tout cas. Mais sachez bien que dans tout ceci, je ne consulte que le bonheur de mon enfant. Et pour que vous n'ayez pas le droit d'en douter, je vous déclare d'avance que je n'attends plus rien de vous, que je n'accepterai rien et resterai gros gens comme devant. C'est bien, quoi. À moins, toutefois, qu'il rende ma fille si heureuse. Mais si heureuse. Oui, allez, viens. Tu l'as voulu, marquis de Presles. Est-ce assez d'humiliation? Ah, Madame de Mongeais. En ce moment, mon sort se décide. Et tout cela pour une fantaisie d'un jour. Tu l'as voulu, marquis de Presles, n'accuse que toi. Qu'est-ce que tu as donc? Tu sais ce que mon beau-père me demandait ce matin? Oui, eh bien. Si on te disait que j'y consens? Je dirais que c'est impossible. C'est pourtant la vérité. Enfin, es-tu fou? Tu le disais toi-même, s'il est un homme qui n'est pas le droit de... Il le faut. Mon beau-père a offert une lettre de Madame de Mongé. Dans sa colère, il voulait la porter chez son avoué pour l'arrêter. J'ai dû me mettre à sa discrétion. Mon pauvre ami. Dans quel abîme es-tu tombé? Si Pont-Grimaud me tuait demain, quel service il me rendrait? Allons, allons, pas de ces idées-là. Cela arrangerait tout. Voyons, tu n'as que 30 ans. Ta vie peut être belle encore. Ma vie? Enfin, regarde où j'en suis. Mes étourderies, mes sottises, mes égarements m'ont amené au point que tout me manque à la fois. La liberté, le bonheur domestique, l'estime du monde et la mienne propre. Quelle pitié. Allons, allons, du courage, te laisse pas abattre. Ah oui, je suis un lâche. Un gentilhomme a le droit de tout perdre. Fort l'honneur. Que veux-tu faire? Ce que tu ferais à ma place. Non! Tu vois bien que si, puisque tu m'as compris. Je n'ai plus que mon nom. Je veux le garder intact. Non, mon père. C'est impossible. Tout est fini entre monsieur le prêtre et moi. Je ne te reconnais pas là, mon enfant. Puisque je te dis qu'il prendra une position, qu'il ne verra plus cette femme, qu'il te rendra heureuse. Il n'y a plus de bonheur pour moi. Si monsieur le prêtre ne m'a pas aimé librement, croyez-vous qu'il m'aimera par contrainte? Monsieur le prêtre se tait. Il sait que je ne croirai pas à ses protestations. Il sait aussi que tout lien est rompu entre nous. J'en veux une séparation, mon père. Donnez-moi cette lettre. C'est à moi désormais qu'il appartient d'en faire usage. Donnez-la-moi. Pense au scandale qui va nous éclabousser tous. Il ne salira que les coupables. Pense que cette femme que tu vas perdre à jamais... A-t-elle eu pitié de moi? Donnez-moi cette lettre, mon père. Ce n'est plus votre fille qui vous la demande, c'est la marquise de Presles outragée. Mais puisqu'il prendra une position... Donnez. Tiens ma vengeance, monsieur. Elle ne saurait plus m'échapper. Vous avez engagé votre honneur pour sauver votre maîtresse. Je le dégage. Et je vous le rends. Oh, madame, comment vous exprimer? Ce ne sera pas trop de toute ma vie pour réparer le mal que j'ai fait. Je suis veuve, monsieur. Je te dis que tu l'aimes encore. Et moi, je te dis que tu le hais. Mais non, Poirier. Mais si, ce qui s'est passé hier ne te suffit pas. Tu voudrais encore, maintenant que ce vaurien m'enleva ma fille. Je veux que la vie d'Antoinette ne soit pas gâchée à jamais. Et à la façon dont tu t'y prends... Je m'y prends comme il me plaît. Verre de lait. Ah, il était facile de faire un beau sentiment. Tu n'es pas couteau tiré avec mon gendre, toi. Hein? Quand il aura emmené sa femme, je resterai tout seul dans mon coin. Tu serais toujours fourré chez elle. Et moi, seul comme un vieux chat-huat. Oh, ben, je te connais. Je te connais, va égoïste comme tous les vieux garçons. Ah, prends garde, Poirier. Es-tu sûr quand vous sens les choses à l'extrême, tu n'obéis pas toi-même à un sentiment d'égoïsme? Nous y voici. C'est moi qui suis l'égoïste ici, parce que je ne pense qu'au bonheur de mon enfant. Parce que je ne veux pas que mon vieux de genre m'arrache ma fille pour la torturer. Enfin, dis quelque chose, ça te regarde plus que moi. Je ne l'aime plus, Tony. Il a tué dans mon cœur tout ce qui fait l'amour. Ah. Je ne le hais pas, il m'est indifférent, je ne le connais plus. Mais ça me suffit. Mais enfin, mon tout petit, voyons, tu commences la vie à peine, toi non. Est-ce que tu as jamais réfléchi à la destinée d'une femme séparée de son mari? Est-ce que tu te rends compte de toutes les complications? Oh, que l'ouvrage de tes sermons, verre de lait. Elle sera parble bien à plaindre avec son bonhomme de père, qui n'aura d'autre ambition que de l'aimer. Ah, tu verras quelle belle existence nous allons mener à nous deux. À nous trois, car je vaux mieux que toi, gros égoïste. Tu verras comme nous t'aimerons, comme nous te câlinerons. Ce n'est pas nous qui te planterons là pour courir après des comtesses. Allons, veux-tu une risette à ce père? Dites-lui que vous serez heureuse avec lui. Oui, mon père, bien heureuse. Voilà, tu l'entends, verre de lait? Mouin. Quant à ton sacripant de mari, tu as été trop bonne avec lui, ma fille, nous le tenions. Enfin, il ferait une pension de 1000 écus, il ira se faire pendre ailleurs. Oh, qu'il prenne tout, qu'il emporte tout ce que je peux faire. Que l'on part. Tout ce que je demande, c'est de ne jamais le revoir. Et il entendra parler de moi bientôt. Je lui ai décoché un dernier train. Qu'est-ce que vous avez fait? Hier, en te quittant, je suis allé chez mon notaire avec Berdelet et j'ai mis en vente le château de Presles. Vous avez fait ça? Et toi, Tony, tu l'as laissé faire? Oui. Oui, le château de messieurs ses pères. Sur son emplacement, on plantera des betteraves. Le parc de ses pères, on le rasera, on le cirera en petits morceaux. On le brûlera dans les cheminées des bons bourgeois qui ont acheté. De quoi se payer du bois. Ah, j'en ferai venir quelques stères pour ma consommation personnelle. Mais il croit que c'est une vengeance. Mais il aura raison. Il croit que c'est moi. Je vais voir si les affiches sont prêtes, des affiches énormes dont je ferai recouvrir les murs de Paris. À vendre le château de Presles. Mais qui sait, il est peut-être déjà vendu. Depuis hier soir à Londres, je vais chez l'imprimeur. Oh, oh, ton père est absurde. Si on le laissait faire, il empêcherait tout rapprochement entre ton mari et toi. Qu'espères-tu donc, mon pauvre Tony? Mon amour est tombé de trop haut pour pouvoir se relever jamais. Tu ne sais pas ce que Monsieur de Presles était pour moi. Mais si, je sais. C'était pas seulement un mari. C'était un maître, dont j'aurais été fière d'être la servante. Je ne l'aimais pas seulement. Je l'admirais. Anthony, quel réveil. Monsieur le marquis demande si madame peut le recevoir. Non. Non, reçois-le, mon enfant. Monsieur le marquis peut entrer. Mais à quoi bon? Rassurez-vous, madame. Vous n'aurez pas longtemps l'ennui de ma présence. Vous l'avez dit hier, vous êtes veuve. Et je suis trop coupable pour ne pas sentir que votre arrêt est irrévocable. Je viens vous dire adieu. Comment, monsieur? Oui, monsieur. Je prends le seul parti honorable qui me reste. Et vous êtes en mal comprendre. Mais monsieur... Je vous entends. Ne craignez rien de l'avenir et rassurez monsieur Poirier. J'ai un état, celui de mon père, soldat. Je pars demain pour l'Afrique avec monsieur de Montméran qui me sacrifie son congé. C'est un homme de cœur. Je n'ai jamais dit qu'il fût lâche. Enfin, voyons, voyons, mes enfants, ne prenons pas des résolutions extrêmes. Vos torts sont très grands, monsieur le marquis, mais je suis sûr que vous mourrez d'envie de les réparer. Ah. S'il était une expiation... Il n'en est pas, monsieur. Je vous laisse mon nom, madame. Vous le garderez sans tâche. J'emporte le remords d'avoir troublé votre vie. Mais vous êtes jeune. Vous êtes belle. Et la guerre a d'heureux hasards. Je viens te chercher. Allons. Adieu, monsieur Verdelet. Adieu, madame. Adieu pour toujours. Il vous aime, madame. Tais-toi. Il vous aime éperdument. En sortant de l'abîme dont vous l'avez tiré. Ses yeux se sont ouverts. Il vous a vu tel que vous êtes. Mademoiselle Poirier l'emporte sur madame de Mongeais. Quel triomphe. Ah, tu es cruel. C'est justice, monsieur. Elle était digne de l'amour le plus pur et je l'ai épousée pour son argent. J'ai fait un marché. Un marché que je n'ai même pas eu la probité de tenir. Oui, madame. Vous avez raison. Mépriser un cœur indigne de vous. J'ai tout perdu. Jusqu'au droit de me plaindre. Attends, savez-vous où il se rend, madame? Sur le terrain. Sur le terrain? Que fais-tu? Puisque ta femme ne t'aime plus, on peut bien lui dire. Oui, madame, il va se battre. Anthony, sa vie est en danger. Mais que vous importe, madame? Tout n'est-il pas rompu entre vous? C'est vrai. Tout est rompu. Monsieur de Presles peut disposer de sa vie. Il ne me doit plus rien. Tu vois bien qu'elle t'aime encore. Oh, madame, s'il est vrai, si je ne suis pas tout à fait sorti de votre cœur, dites un mot. Donnez-moi le désir de vivre. Qu'est-ce que vous faites donc là, monsieur le marquis? Mon père, il va se battre. Ça t'étonne, un duel, les maîtresses, c'est tout un qui atterre à guerre. Voulez-vous dire, mon père, supposeriez-vous? J'en mettrai ma main au feu. Oh, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, monsieur? Vous ne répondez pas? Crois-tu qu'il aura la franchise de le reconnaître? Ce duel est tout ce qui reste d'un passé odieux. Il a l'impudence de l'avouer. Quel cynisme! Et on me dit que vous m'aimez. J'étais prête à vous pardonner quand vous allez vous battre pour votre maîtresse. Mais il vous l'a dit, madame. Ce duel est le reliquat d'un passé qu'il déteste et qu'il voudrait anéantir. Eh bien, c'est bien simple, monsieur. Si vous n'aimez plus madame de Monget, ne vous battez pas pour elle. Monsieur, faire des excuses. Il s'agit de donner une preuve à Antoinette de votre sincérité. Et c'est la seule que vous puissiez lui offrir. Oui, je sais, le sacrifice qu'on vous demande est bien grand. Mais s'il l'était moins, pourrait-il racheter vos torts? Le vieil imbécile qui va les raccommoder maintenant. Je ferai avec joie le sacrifice de ma vie pour réparer mes fautes. Mais celui de mon honneur, la marquise de Presles ne l'accepterait pas. Et si vous vous trompiez, monsieur? Si je vous le demandais? Quoi, madame? Vous exigeriez... Que vous fassiez pour moi presque autant que pour madame de Monget? Oui, monsieur. Vous serez bien avancé quand vous aurez pris un mauvais coup. Croyez-moi, prudence et mère de sûreté. Vieux serpent. Voilà ce qu'on dirait, madame. Qui oserait douter de votre courage? N'avez-vous pas fait vos preuves? Que vous importe l'opinion de quelques godelureaux? Vous aurez l'estime de mes amis, cela doit vous suffire. Voyez, on se rirait de moi. Personne ne rira de toi. C'est moi qui porterai tes excuses sur le terrain, et je te jure qu'elles n'auront rien de plaisant. Comment? Tu es aussi d'avis? Oui, mon ami. Ton duel est de ceux qu'on doit t'empêcher. Et le sacrifice dont se contente ta femme ne touche qu'à ton amour propre. Des excuses? Sur le terrain? J'en ferai, moi. Ah, oh, Poirier, tu veux absolument que ton gendre se batte? Au contraire, je fais tout pour l'en empêcher. Oh, allons, Gaston, tu n'as pas le droit de refuser cette marque d'amour à ta femme. C'est impossible. Mon pardon est à ce prix. Reprenez le don, madame. Je ne porterai pas loin mon désespoir. Arrête à ta fillette, quand il aura l'épée à la main, il se défendra malgré lui. Si madame de Monget vous défendait de vous battre, vous lui obéiriez. Adieu. Antoinette! Au nom du ciel! Mais elle a mille fois raison. Des excuses-moi! Vous n'avez que de l'orgueil! Gaston, fais pas violence. Je te jure que moi, à ta place, je n'hésiterai pas. Eh bien, un ton grimaud. Va sans moi. Eh bien, madame, êtes-vous contente de lui? Oui. Tout est réparé. Je n'ai plus rien à vous pardonner. Je vous crois. Je suis heureuse. Je vous aime. Et maintenant, va te battre, va. Oh, allons vite, nous allons être en retard. Vous tirez bien l'épée, n'est-ce pas? Comme ça, Georges, madame. Et un poignet d'acier. Oui. Monsieur Poirier, priez pour Pongrimaud. N'allez pas tuer ce pauvre jeune homme, au moins. Il en sera quitte pour une égratignure, puisque tu m'aimes. Vous-même. Ce sera la première fois, monsieur. Oh. C'est de monsieur le Pongrimaud. Tiens. Oh, mon cher marquis, nous avons fait tous les deux nos preuves. Je n'hésite donc pas à vous dire que je regrette un moment de vivacité. De ta part. Vous êtes le seul homme du monde à qui je consentisse à faire des excuses, et je ne doute pas que vous ne les acceptiez aussi galamment qu'elles vous sont faites. Tout à vous de cœur, vicomte de Pongrimaud. Il n'est pas vicomte. Il n'a pas de cœur, mais il est Grimaud. Sa lettre finit bien. Ah, ben, mon cher enfant, tout s'arrange pour le mieux. J'espère que maintenant, vous voilà corrigé. À tout jamais, cher monsieur Verdelet. À partir de maintenant, j'entre dans la vie sérieuse et calme. Et pour rompre irrévocablement avec les folies de mon passé, je vous demande une place dans vos bureaux. Oh, dans mes bureaux, vous, un gentilhomme. Ne dois-je pas nourrir ma femme? Oh, c'est bien ça, monsieur le marquis. Mais c'est très bien, mon gendre. Voilà les sentiments véritablement libéraux. Vous étiez digne d'être un bourgeois. Faisons la paix et restez chez moi. Faisons la paix, je le veux bien. Quant à rester chez vous, c'est autre chose. Vous m'avez fait comprendre le bonheur du charbonnier qui est maître chez lui. Je ne vous en veux pas, mais Je m'en souviendrai. Vous emmenez ma fille, je vais rester tout seul dans mon coin. Oh, mon père, j'irai vous voir souvent. Et vous serez toujours le bienvenu chez nous. Ma fille va être la femme d'un commis marchand. Non, Poirier, elle sera châtelaine de Presles. Le château est vendu depuis hier. Et si ton mari le permet, toi non, ce sera mon cadeau de noces. Oh, bon, Tony, me permettez-vous d'accepter, Gaston? Monsieur Verdelet, de ceux envers qui la reconnaissance est douce. Oui, je quitte le commerce et je me retire. Chez vous, monsieur le marquis, si vous le permettez. Nous cultivons nos terres ensemble. C'est un métier de gentilhomme. Et alors moi, personne ne m'invite. Bon, tous les enfants sont des ingrats. Mon pauvre père avait bien raison. Mais écoute, achète une terre et va vivre auprès d'eux. Eh oui, tiens, c'est une idée. Mais tu n'as que ça à faire, car j'espère que tu es guéri de ton ambition. Oui. Nous sommes en 1846. Je serai député de l'arrondissement de Presles en 47 et pair de France en 48. Thank you.